Bonjour à tous, bienvenue dans Demain de Maître, votre émission qui rencontre des artisans d'art d'exception en Lorraine et en Alsace, à écouter une fois par mois, le vendredi à 18h, rediffusé le dimanche à 10h30. Aujourd'hui, je suis à Mulhouse, dans l'atelier d'un artisan d'art pas comme les autres. Peintre en décor depuis plus de 20 ans, il tombe amoureux des papiers dominotés et décide, il y a seulement 4 ans, d'en faire sa spécialité. Demain de Maître vous emmène à la rencontre d'Alexandre Poulaillon, peintre décorateur et dominotier. Jusqu'à 18h30 sur Fadjet, Demain de Maître, animé par Olivia. Bonjour Alexandre Poulaillon, présentez-vous. Bonjour, je m'appelle donc Alexandre Poulaillon et je suis peintre décorateur et dominotier installé à Mulhouse. Quel est votre parcours ? Alors mon parcours, il est un petit peu atypique parce que je suis donc j'ai commencé la peinture décorative il y a à peu près 25 ans, donc très jeune. Je suis rentré à l'école de décor à 16 ans. J'ai pratiqué ce métier-là pendant de nombreuses années, principalement à Paris, sur des chantiers haut de gamme en France et à l'étranger. Et puis j'ai découvert les papiers dominotés en 2011 et j'ai eu envie de réinventer un petit peu cette technique oubliée. Alors avant de parler des papiers dominotés, vous avez été dans des chantiers en tant que peintre décorateur, c'est bien ça ? Oui, voilà. Alors j'ai travaillé avec un monsieur en sortant de l'école de décor de Paris. J'ai été salarié chez Jean Parot, qui était peintre décorateur installé dans la région parisienne. Et pendant de nombreuses années, on a fait donc réaliser des décors peints, des trompe-l'œil, des matières, des dorures, sur des chantiers privés et principalement dans l'hôtellerie de luxe et un petit peu partout dans le monde. Et en 2011, donc c'est assez récent, vous faites une rencontre qui va changer votre métier. Mais disons que j'ai déjà décidé de quitter Paris en 2006 et puis j'avais envie de continuer mon métier, ce qui n'était pas évident en étant en province parce que tous les peintres en décor sont plutôt installés sur Paris. Et donc j'avais le souhait de proposer autre chose à mes clients en fait, et tout en étant en province, en Alsace. Et puis donc j'ai découvert les papiers dominotés un petit peu par hasard. Et puis en Alsace, à Mulhouse surtout, on a la chance d'avoir le musée du papier peint Rixheim. Et donc ces papiers dominotés là, j'ai pu aller sur place au musée du papier peint pour m'en renseigner sur l'histoire, les techniques utilisées au XVIIIe siècle et pour pouvoir retrouver cette technique qui avait disparu. Alors effectivement, vous avez parlé du papier dominoté. C'est quoi le papier dominoté ? Alors le papier dominoté, c'est des papiers qui mesurent à peu près 30 cm par 40. Donc les dominotiers, eux, étaient des graveurs et imprimeurs. C'est un métier qui a disparu à la fin du XVIIIe siècle à cause de l'invention de la machine à papier continue. Parce qu'il faut savoir qu'avant la fin du XVIIIe siècle, les papetiers ne fabriquaient que des feuilles de papier. D'accord. Donc les rouleaux de papier n'existaient pas. Donc c'est Louis-Nicolas Robert, un Français, qui invente la machine à papier continue. De là, l'industrie papetière s'est beaucoup développée au 19e siècle. Et donc, il y a eu peu d'intérêt après à faire des papiers décoratifs sur des feuilles. Et donc là, on a plutôt évolué dans le papier peint. Donc les techniques 19e siècle d'impression à la planche de papier peint, comme la manufacture Zuber qui exerce encore à Rixheim. Et donc, petit à petit, la technique a disparu au début du 19e siècle. Donc ces papiers, les dominotiers imprimaient sur des feuilles donc de papier chiffon, soit des petits motifs répétitifs qui étaient utilisés dans la reliure, soit des grands motifs à rapport qui étaient utilisés pour garnir des murs et pour la décoration intérieure. Et donc si je vous suis, le papier dominoté, c'est en fait l'ancêtre du papier peint. Les experts disent que non. Après, c'est vrai que c'est plus facile de dire que c'est l'ancêtre du papier peint, mais c'est vrai que les dominotiers, c'est une technique qui est quand même particulière parce que tout n'était pas imprimé avec des planches. On imprimait à la fois les contours des motifs avec des planches en bois gravées, qui était ancrée avec des encres de type typographie. Oui. Ensuite, toutes les couleurs étaient posées avec des pochoirs, donc des plastiques qui étaient découpés à la main. Et c'est des femmes au XVIIIe siècle, parce qu'on les appelait les pinceauteuses, qui venaient mettre en couleur au pochoir et à la brosse tous ces papiers. Et donc là, on est en 2015. Vous, qu'est-ce que vous faites avec ce papier dominoté ? Alors, ce que j'ai trouvé intéressant dans ces papiers au 18e, donc déjà c'était la technique, parce que je suis passionné de technique ancienne et donc je fais beaucoup de recherches sur ce sujet. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que contrairement au papier peint, donc en rouleau, les dominotiers ne se contentaient pas de faire des papiers avec un seul motif et avaient plusieurs motifs. Ils faisaient un motif et ils l'accompagnaient d'un autre papier avec un motif de bordure, un motif de lambrequin, un motif de soubassement. Et en fait, ils avaient donc des collections de papiers et tous ces papiers-là, ils les découpaient, prenaient des morceaux et ils composaient des décors muraux vraiment sur mesure. Donc ils faisaient uniquement des choses, des créations en fait, par rapport à la demande d'un client, d'un particulier. Donc c'est ce que je trouve intéressant, c'est qu'on peut vraiment sur chaque projet faire quelque chose d'unique, même si on utilise les mêmes motifs. Et alors en parlant de matériaux particuliers, de papier dominoté, parlez-nous de papillon numéro 6. Alors le modèle papillon numéro 6, il est historiquement intéressant. C'est un papier dominoté qui a été créé en 1710 par Jean-Baptiste Papillon, qui était graveur dominotier. Et donc ce papier, il est intéressant parce que, étant donné qu'ils étaient, restreints à un format standard pour l'époque de 30 par 40 à peu près, Monsieur Papillon a eu l'idée de dessiner un motif, d'imprimer une première feuille avec ce motif-là, et ensuite, en faisant une contre-épreuve, c'est-à-dire qu'en la mettant sur une autre feuille de papier et en la mettant sous presse, il a pu dupliquer ce modèle de motif. D'accord. Et donc, avec quatre feuilles de ce même motif, il a pu faire un grand motif avec une largeur de 60 cm par une hauteur de 80. Ce qui changeait complètement les rapports de l'époque. Oui. Et donc, c'était un peu une petite révolution à l'époque, parce que, enfin, pour les experts, c'est vraiment le premier papier peint qui a été créé vraiment en France en 1710, quoi. Donc, c'est un modèle qui est, l'original est au musée de Rixheim, et il était donc imprimé à la planche, et il avait donc quatre couleurs au pochoir. Est-ce que vous pouvez nous le décrire, ce papillon numéro 6? À quoi il ressemble? Mais il ressemble, c'est un décor un petit peu en, je vais pas dire en arabesque, mais floral, en volute, voilà. Assez, à la fois, bon, pour moi c'est assez simple parce qu'il y a très peu de couleurs et il est assez géométrique et c'est vraiment un classique du début du 18e siècle que je trouve assez moderne malgré tout. Effectivement, il a un esprit un peu floral. Et donc, vous pourrez retrouver sur la page Facebook de Main de Maître cette composition. Dans vos créations liées au papier dominoté, vous avez deux spécificités. Celle de faire de la restauration et la création. Vous pouvez nous en parler? Alors, donc, dans le papier dominoté, moi, je propose en effet deux choses. Donc, soit des rééditions plutôt en fac-similé de papier dominoté donc ancien, donc 18e siècle. Ensuite, après, je peux proposer des réinterprétations au niveau des couleurs. Donc, on peut partir sur des bases de couleurs anciennes et puis les rendre beaucoup plus contemporaines. Juste en modifiant les teintes, on a des choses qui sont très graphiques, très géométriques, qui peuvent s'adapter tout à fait au monde contemporain. Comme par exemple ? Comme par exemple le modèle LAS numéro 1, oui. Donc qui est un modèle qui est très graphique, qui est assez, électrique. Au 18e, il était mis en couleur avec quatre couleurs au pochoir. Et puis moi, donc, je le propose soit en une seule couleur, ou alors avec des rouges assez éclatants, des jaunes, et ça fonctionne très bien. C'est le modèle qu'on a devant nous, là? Le modèle rouge, voilà. C'est celui-là ? Alors là, vous avez, ils sont l'un à côté de l'autre. On a le modèle avec les couleurs d'origine 18e siècle et à côté, un domino, donc LS numéro 1, avec une impression noire à la planche et un rouge assez puissant au pochoir. Dans le papier dominoté, vous faites également du haut de gamme. Et je me suis laissé dire que pour le haut de gamme, vous peignez même vos motifs à la main. C'est vrai ? Oui, alors ça, c'est dans la peinture décorative. Donc ça, c'est vraiment mon métier depuis bientôt 25 ans. Donc étant donné que j'ai au départ commencé dans la peinture en lettres traditionnelle. C'est quoi la peinture en lettres ? Peinture en lettres, disons que mes parents avaient une entreprise de stores et d'enseignes lumineuses. Et donc, tous les stores de magasins, avant, toutes les lettres étaient peintes à la main. D'accord. Donc, on mettait juste deux petits coups de crayon pour tracer à peu près les lettres. Et puis, avec un pinceau, on peignait les lettres. Mmh. Voilà, donc j'ai commencé dans ce métier-là, ce qui m'a permis d'avoir une bonne dextérité au niveau du décor de la peinture à main levée. Et puis donc, dans le décor peint, étant donné que j'ai toujours été très intéressé et plutôt passionné par l'ornementation, je me suis assez vite spécialisé dans l'ornement peint à la main. Donc j'ai travaillé dans la restauration de monuments historiques où on me demandait de refaire des ornements 18e, 19e siècle à l'identique. Un souvenir marquant de ces années d'expérience dans le haut de gamme ? Alors dans le haut de gamme, après, bon, il y a des lieux assez extraordinaires de maisons privées. Un petit peu, enfin, que ce soit au Moyen-Orient, en Égypte. Après, une période que j'ai beaucoup appréciée, c'était le travail que j'ai fait en restauration dans la cathédrale d'Orléans, où j'ai restauré quatre chapelles. Donc, où là, c'était vraiment, j'ai passé à peu près, bon, ça s'est fait en plusieurs fois, mais j'ai passé un an et demi quasiment dans la cathédrale d'Orléans. Donc, c'était assez, assez sympa. Donc là, on est dans votre partie atelier création. Qu'est-ce que vous allez nous montrer ? Donc là, je vais réaliser une petite commande là, pour un relieur qui est à Paris, qui m'a commandé une petite série de papiers dominotés. Donc là, c'est le modèle AB numéro 3. Et donc, on va imprimer donc une série de feuilles à la planche avec les plaques de gravure. Mmh. Donc on va commencer par couper les feuilles d'un format. Donc une fois que j'ai coupé mes feuilles, je les humidifie légèrement. Mmh. Voilà, ça suffit. Ensuite, je vais éponger un petit peu s'il y en a trop, pour enlever s'il y a un petit peu trop d'eau. Et ensuite, on va passer à la partie ancrage. Donc, je vais commencer par ancrer mon rouleau pour y prendre l'encre que j'ai sur ma plaque. Donc, j'ai préparé une encre de couleur bleue, qui était un tout petit peu diluée, là. Oui. Et je vais venir prendre l'encre avec mon rouleau encreur. Voilà. Donc ensuite, avec ce rouleau, une fois qu'il est ancré, je vais aller déposer l'encre sur la plaque gravée qui va servir à imprimer donc le motif. Et donc, avec mon rouleau encreur, je vais venir déposer l'encre sur cette plaque. Et ensuite, on va venir déposer le papier légèrement humidifié sur la plaque gravée. Ensuite, le chariot de la presse, on va faire passer le chariot sous la presse et on va mettre, ce qu'on a dit, un coup de presse pour venir marquer en fait le papier du motif. D'accord. Donc là, vous venez de déposer la couleur bleue sur la plaque gravée. Et ensuite, donc ? Ensuite, on va venir déposer le papier sur la plaque. Mmh. Là, il faut bien ajuster le papier à la bonne place. Voilà. Mmh. Et là, vous appuyez. J'appuie légèrement pour pas qu'il bouge trop. Ensuite, je vais poser un feutre léger. Donc, c'est une matière feutrée, on va dire, sur le papier. Qui sert à quoi ? Bah, elle sert en fait à ce que le papier soit pas en contact direct avec la plaque en acier de la presse. Et elle permet de vraiment, même s'il y a des petites imperfections dans la gravure, de vraiment venir prendre l'ensemble du motif correctement. Et ensuite, là, on va donc faire passer le plateau où situe la plaque avec le papier sous la presse. Mmh. Donc là, on a une manivelle et on va mettre deux coups de manivelle pour passer le plateau sous la presse. Voilà, donc le plateau est sous la presse et maintenant, donc on a un bras, une sorte donc de levier comme ça qu'on va tirer assez fort. Et puis pour faire la pression de cette grande plaque en fonte comme ça sur le papier. Oui. Voilà. Et ensuite on peut retirer la plaque pour enlever le papier. Et là c'est la découverte. Vous soulevez le papier, le feutre, et ensuite on va voir si c'est bien imprimé ou pas. Et ensuite on retire doucement le papier. Oui. Voilà. Oui. Donc on va le mettre au séchoir, donc je le suspends moi sur un fil avec des pinces à linge, tout simplement, sauf quand j'en ai beaucoup à faire, j'utilise un séchoir un petit peu plus grand. Et ensuite il faudra passer à la partie de mise en couleur, donc poser les couleurs au pochoir pour ramener les deux couleurs qui manquent en fait à ce motif là. Donc on va laisser sécher le papier et ensuite on vous retrouve dans quelques instants. Donc là vous venez de récupérer votre papier avec le motif donc, qui est maintenant séché. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Alors ensuite, donc, je vais le mettre sur une, je le place à plat sur une table et je vais venir caler mes pochoirs au bon endroit, prendre une couleur sur une sorte de palette et avec un pinceau, donc, on va venir appliquer à travers ce pochoir les couleurs manquantes. Voilà, donc il faut bien le caler au bon endroit. Donc là, c'est un pochoir, donc c'est un pochoir en, c'est une matière plastique là, transparente, donc qui est découpé ensuite à la main avec un petit cutter, et donc à travers les vides, voilà, on va poser avec cette brosse, on va poser la couleur à travers. Et donc ça, c'est un motif, donc c'est un monsieur qui m'a demandé ce motif-là. Oui. C'est un motif vraiment typique du 18e siècle, ça. Donc c'est vraiment facsimilé celui-ci avec les couleurs d'origine et dessins d'origine 18e. Vous décrivez votre atelier, je vous cite, comme un lieu de recherche, d'exploration et d'expérimentation, c'est-à-dire... Bah, disons que moi, depuis pas mal d'années, j'essaie de montrer aux architectes d'intérieur pour qui je travaille que le métier de peintre en décor, c'est pas un métier du passé. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas au faux bois et au faux marbre, comme on peut voir un petit peu partout, mais c'est vraiment un métier d'avenir et qui, grâce auquel on peut réaliser des choses vraiment très contemporaines. Donc, moi, je passe beaucoup de temps à faire des recherches pour, par exemple, pouvoir faire des trompe-l'œil sur des sols. Donc là, il faut trouver les matériaux qui vont fonctionner, qui vont, comment dire, protéger ces sols. Ouais, donc, au niveau des matériaux modernes, au niveau des résines et tous ces produits-là. Donc, j'ai fait énormément de recherches. Et puis, en ce qui concerne aussi le motif, l'ornement, je fais beaucoup de recherches graphiques aussi par rapport à des choses que je peux voir. En ce moment, je m'intéresse beaucoup aux mousses. Donc je m'intéresse à créer du motif aussi par rapport à tout ça. Donc, ça prend beaucoup de temps. Je m'intéresse aux résines anciennes, aux colles, aux techniques d'impression, bien sûr. Et puis, voilà, pour vraiment apporter du nouveau dans les métiers que je pratique, quoi. Vous venez de parler tout à l'heure de trompe-l'œil. Moi, il y a sur votre site internet un trompe-l'œil qui m'a attiré, qui a attiré mon œil, justement mon regard. C'est un trompe-l'œil qui s'appelle drapé et passementerie. Est-ce que vous pouvez nous le décrire ? Alors voilà, ça c'est vraiment un exemple typique de ce que je vous expliquais tout à l'heure. J'ai travaillé il y a quelques années pour faire un rideau d'avant-scène, enfin le rideau d'avant-scène de l'Opéra Comédie de Montpellier. Donc c'est un rideau qui a été refait entièrement à neuf, mais d'après des documents anciens qui dataient de du milieu du 19e siècle, pardon. Et donc c'était un gros travail donc de décor peint à la main, donc c'est un trompe-l'œil vraiment, où moi j'ai réalisé toutes les passementeries en trompe-l'œil. Donc il y a des pompons, des franges, ouais. Donc c'est tout, c'est des passementeries dorées mais qui sont entièrement peintes à la main. D'accord. Sur un rideau lisse quoi. Mm-hmm. Donc justement pour montrer que on peut faire ce genre de choses en tant que peintre en décor, c'est notre métier de réaliser des trompe-l'œil classiques. Mais par rapport à ce rideau d'avant-scène ancien, je voulais faire une sorte de, comment dire, un pendant mais contemporain. Mm-hmm. Donc en réalisant sur un panneau en bois une sorte de drapé contemporain en trompe-l'œil avec passementerie. Donc voilà, donc là c'est un petit peu, c'est issu un petit peu de ce travail classique que j'ai réalisé, cette création contemporaine. Et elle ressemble à quoi alors cette création contemporaine ? Quelle couleur, quelle forme ? Là c'est en fait elle était réalisée sur un panneau en bois. J'ai d'abord dessiné en fait tout le graphisme, donc c'est très géométrique. Mmh. Et donc j'ai tout d'abord dessiné les contours de ce dessin là. J'ai découpé en fait sur un panneau en bois toute la partie extérieure pour garder que la partie centrale. Donc on a un panneau en bois qui fait 4 mètres par à peu près 80 cm. Bon, c'est variable. Mmh. Et donc j'ai traité une sorte de drapé géométrique, donc en jaune dans une couleur assez, assez lumineuse. Et puis la passementerie, elle est uniquement traitée avec des lignes noires et blanches qui vont s'amincir en fait pour donner un effet de relief et de profondeur. Mais en fait, c'est juste un travail de traits noirs plus ou moins fins qui vont faire s'éloigner le décor ou se rapprocher. Donc vraiment un vrai trompe-l'œil. Ouais. Et puis tout à l'heure, vous avez également évoqué votre travail par rapport au sol. Oui, alors ça, les sols peints, ça m'est venu parce que j'en avais un peu marre en fait de peindre des murs et des plafonds. Et donc j'ai pensé que qu'il serait intéressant de travailler des sols. Donc généralement, on travaille avec donc sur les chantiers, on voit du marbre, du carrelage ou des parquets. Et je trouvais intéressant de pouvoir y proposer des graphismes peints ou alors du textile, des tapis peints en trompe-l'œil sur des supports différents comme le béton ou des planchers en bois, quoi. Et alors, ce qu'on a devant nous, c'est quoi concrètement ? Alors là, devant nous, on a un tapis qui est peint à la main, donc avec des pinceaux. Donc c'est un tapis qui est inspiré de Kilim. Donc c'était des tapis marocains, je crois, si je ne me trompe pas. Et donc là, c'est un tapis dans des nuances de bleu, donc avec différentes nuances de bleu, avec un petit motif tout simple dans toutes ces petites bandes là. Mm-hmm. Et puis donc sur le pourtour de deux côtés, on a toutes les franges donc du tapis, oui, qui sont peintes aussi à main levée comme ça, une à une. Et qui ne sont pas toutes rectilignes, bien allongées. Certaines sont recroquevillées, d'autres sont droites. Et c'est ce qui donne un petit peu le mouvement de ce tapis. Oui, voilà. Il faut que un tapis, il est jamais droit, il est jamais parfaitement. Enfin, surtout les franges. Hein, on n'a jamais vu un tapis avec des franges parfaitement droites. Donc, il faut être réaliste et puis surtout savoir faire vibrer en fait les décors et les rendre vivants. Une journée dans l'atelier d'Alexandre Poulaillon, ça ressemble à quoi ? Alors, une journée dans mon atelier, si je suis tout seul et que j'ai un travail à faire, j'essaye de ne pas me perdre dans mille autres choses, parce que généralement, vu qu'il y a énormément de choses ici, il y a à peu près tous les outils pour faire énormément de création, de différentes techniques. Donc, j'ai tendance à me disperser un peu parfois, mais il faut donc je du coup j'essaye de me concentrer et de ne pas me disperser quand je travaille ici, mais donc ça peut ressembler à une journée d'impression de papier dominoté où là l'atelier se transforme en atelier d'impression. Après on peut il peut y avoir un travail où il y a des grandes toiles à peindre, par exemple pour un hôtel que j'ai fait récemment, où donc là il y avait 5 toiles accrochées donc que j'ai peint sur mon sur un grand chevalet en bois que j'ai à l'atelier là. Donc là ça se transforme en atelier de peinture. Et ça peut après se transformer en atelier de gravure quand j'ai des planches d'impression à fabriquer. Voilà, donc ça peut, c'est assez varié. Puis je passe aussi beaucoup de temps sur les chantiers. Quelle qualité vous semble indispensable pour exercer le métier de dominotier ou de peintre en décor ? Moi, je pense qu'une chose qui est très importante, c'est la curiosité. Parce que je pense que c'est ce qui fait avancer beaucoup, hein, de s'intéresser à pas seulement à ce que l'on fait, mais à ce que d'autres, enfin à la nature par exemple, à d'autres techniques, à voir comment les autres travaillent la céramique par exemple ou la dorure. Et puis donc je pense qu'il faut être curieux. Et puis faut aimer la couleur et surtout aimer travailler avec ses mains, quoi, avoir envie en tout cas. Est-ce qu'il y a des débouchés, honnêtement, quand on est peintre en décor et ou dominotier, comme c'est votre cas ? Oui, il y a des débouchés. En tout cas, dans la peinture décorative, c'est un peu plus simple, même si la plupart des entreprises de décor peint sont installées à Paris. Mais il y a pas mal de peintres en décor un petit peu partout en France, dans le sud de la France. Le mieux, c'est quand même, après avoir fait une formation, de travailler dans une entreprise pour avoir un petit peu d'expérience et puis de voir des choses, en fait, des réalisations. Et dans le papier dominoté, c'est plus compliqué parce que c'est un produit qui est assez coûteux. Donc, c'est vraiment un produit de niche hein, qui est peu répandu et donc c'est déjà un petit peu plus compliqué, quoi. Et là, au niveau formation, donc c'est il y a pas de formation hein, pour apprendre le métier. Donc moi, je suis autodidacte au niveau de la du papier dominoté. Donc là, c'est un petit peu plus difficile pour le papier dominoté, mais il faut avoir envie et être curieux. Et être curieux surtout, oui. Vous travaillez sur quel projet en ce moment ? Alors en ce moment, je travaille sur un projet à Paris. Je réalise un décor mural. Donc, qui se compose d'un décor d'une sorte de toile peinte en trompe-l'œil, donc une sorte de tissu ancien, sur lequel, en fait, je vais peindre tout un décor végétal de fleurs, mais assez disproportionné, sur différentes teintes, mais assez en transparence. Donc, c'est assez proche d'un décor, on va dire, chinois de fleurs. Donc, c'est un travail qui est tout en transparence. Et qui se développe sur un mur et qui le végétal ensuite déborde sur les plafonds. Donc voilà, donc ça c'est en cours. Et dans un an, deux ans ou trois ans, comment voyez-vous votre atelier, vos créations ? Alors, dans un an, deux ans ou trois ans, ben, disons que moi j'aimerais déjà aller un petit peu plus loin dans le papier dominoté et proposer des choses un petit peu plus... complète hein, au niveau du nombre de motifs et puis du travail de composition qu'on peut faire avec ces papiers-là. J'ai aussi créé là dernièrement une marque de papier qui est un petit peu une alternative au papier dominoté. Donc c'est une marque qui s'appelle Papier Le Folie. Donc c'est des papiers qui sont sérigraphiés, donc que je fais aussi à l'atelier. Donc je me suis aussi intéressé à la sérigraphie. Et donc c'est des papiers plus grands qui font 70 cm par 1 mètre. Et qui se compose là la première collection de ce que j'appelle une matière graphique, donc soit de tout petits points noirs sur fond blanc ou des lignes très fines qu'on peut ensuite composer les unes avec les autres. Ces papiers dont vous venez de parler, on les a sous les yeux et on les retrouvera sur la page Facebook de Main de Maître. Pour terminer, est-ce que vous pourriez nous donner un conseil pour les jeunes qui nous écoutent ce soir et qui se disent « Ah tiens, oui, moi aussi je veux devenir peintre en décor ». Et même carrément, bah, tiens, je vais devenir dominotier. Est-ce qu'il y aurait un conseil pour eux ce soir ? Alors, pour devenir peintre en décor, déjà, il faut déjà se former. Donc ça, c'est indispensable. Donc il existe plusieurs écoles. Donc il y en a à Paris, il y a l'école à Blot à Reims. Donc là, il y a plusieurs centres de formation dont certains peuvent être financés. Donc là, il y a un peu de choix quand même au niveau des écoles, au niveau peinture décorative. Et après, pour le papier dominoté, si on fait du papier dominoté, c'est un petit peu plus compliqué. Pas de formation. Je pense que le mieux, c'est déjà d'avoir une bonne connaissance des couleurs, du dessin, mm-hmm. et peut-être déjà de se former dans les arts appliqués ou ce genre d'école, art déco. Et puis après, donc, de se spécialiser en fait tout doucement dans le temps, et puis de s'intéresser à la gravure, par exemple, aux techniques d'impression. Et puis après, ensuite, ce métier-là viendra plus facilement et ce sera moins. C'est vrai que du jour au lendemain, vouloir être dominotiste, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc, je pense que c'est bien de s'intéresser, oui, aux techniques de gravure, de dessin et le travail de la couleur. Et de rester toujours curieux et ouvert sur le monde. Ça, c'est obligatoire. Merci beaucoup de m'avoir reçu dans votre atelier à Mulhouse. Je vous en prie, vous êtes la bienvenue. Le mois prochain, j'irai à la rencontre d'une imagière installée à Bischheim, en Alsace. À bientôt.